Cosmic cassette. Cosmic cassette. Thank you. Cosmic Cassette, l'émission faite avec des cassettes. Cinquième édition, nommée L'été était compliqué. Right. Kamikaze Wassail. One part bourbon, two parts brandy. Marvin. Who are you? I am the ghost of holiday spirits. Of holiday spirits. Ghost of holiday spirits. Holiday spirits. I am the ghost of holiday spirits. That's quite a party you're planning, Marvin. We're just a few close friends, some good food, good drink. What about transportation? What are you? Transportation. Transportation. What are you, crazy? I'm the one who's throwing the party. That's not my responsibility. If your friends drink that Kamikaze Wassail, they're going to need help walking. Yeah, I guess you're right. But what can I do about it? Make sure your friends come with a designated driver. Avec petite grâce. paru sur Errata justement, il est sorti à Longueuil hier. C'est dans la collection Errata Seven Series numéro 7. Et H vient de Paris et tout. Ça sent l'été, les cousines et les décapotables. On écoute Nate Kellogg avec son projet Tape Sounds, la cassette qui s'appelle Climb the Ridge, le titre qui s'appelle Climb the Ridge Line, paru sur Wildwood, le nom de la cassette, chez Carpi Records à Lyon en 2015, joué la belle expo le 21 juin 2015. Thank you. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette. Ses souffles pour mon confiture au garce, mon ripon depuis le départ restera départ au coin d'un pan, redémarre au feu rouge, repris fauché dans le même élan. Un seul sourire de toi et je quitte ma mère, de nature sauvage, vie d'amour et de fraîche. Un seul sourire de toi. Je conduis pour t'y retrouver. je conduis pour faire mon trou. Pour m'éjecter dans l'urgence, car d'un match en réserve pour assurer la révérence. Un seul sourire de travail, de nature sauvage, vie d'amour et de fraîche. L'amour nous fait faux bond et tous ces détours m'égarent. Tous mes égards s'essoufflent, paume aux confitures, aux garces moribond. Depuis le départ restera départ au coin d'un banc. Redémarre au feu rouge, repris fauché dans le même élan. Un seul sourire de toi et je quitte ma mère. De nature sauvage, vie d'amour et de fraîche. Quand il entra, adossé dans le coin du mur sur un matelas qui servait de canapé. Il s'approcha d'elle lentement, lui passa la main dans les cheveux, les démêlant un à un du bout des doigts avec patience. Il collait alors son flanc contre le sien. La chaleur irradiante chatouillait leurs auras. Le temps sembla s'étirer à l'infini, comme on croit tendre de la gomme à mâcher depuis sa bouche vers l'infini et qu'elle se sépare brusquement. Elle leva les yeux vers lui. Ils étaient moites et ses joues étaient plates. Ensuite, tout alla mieux. Elle eut aux lèvres un sourire qui était à lui. On vient d'entendre Aventure, avec un titre que je n'ai pas réussi trop à identifier. Je l'appelle Un sourire de toi. C'est paru chez Indian Redhead en 2015, je crois. Je les ai commandés par internet en tout cas en 2015. Et là tout de suite c'est Zebra Mu avec le titre, enfin avec la phase qui s'appelle Head Under Water Clatter. Un truc qui vient d'Angleterre. Édité par Fragment, un label je sais plus où c'est. Enfin en tout cas j'ai échangé ça à Arles je crois en 2012 et ça a été édité en 2010. Cassette. Le 13 août au marché Gare à Lyon pendant la convention de label expérimental qui avait lors de la dernière édition du festival Expédition. dalle, au milieu de toutes les cassettes, au milieu des pensées qui se mélangent et qui se retournent, qui n'arrivent pas à trouver de sortie, perdu dans la boule noire qui hante mon corps et peut-être le vôtre. L'été était compliqué, mais comme le disent Double Dragon, on a fait ça pour sauver le monde. C'est We Don't Need to Save the World de Double Dragon dans un instant, juste après le jingle. Cosmic Cassette. Cosmic cassette. Cosmic cassette. Cosmic cassette. Ok, c'était Double Dragon de Strasbourg. Et le dernier morceau pour finir, je l'ai chopé à Emmaüs à Pau cet été. Il a été acheté, je crois, dans un festival à Sarlat en 1987, puisqu'il y avait marqué au dos de la jaquette cette petite mention-là. Ça a dû être édité dans les années 80, et puis c'est autoproduit. La cassette s'appelle Cochu Signani, ça vient de Bolivie. Le titre c'est Camilaca et c'est Calamarca, un groupe bolivien. Game yourself. Oh, yeah?